Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 4, colonne 2. Note de la rédaction. Le Richmond Guardian vient d'entrer dans la 27e année de son existence. Monsieur W. E. Jones, qui en est le propriétaire et rédacteur actuel, est à ce poste d'honneur depuis 24 ans. Un quart de siècle dans la carrière d'un homme, avant tout celle d'un journaliste, c'est une période importante. Peu de feuilles ont vu cet âge au sein de notre province. Mais on ne regarde pas autant à cette marque qu'aux allures du rédacteur. Monsieur Jones a vieilli, mais il a encore toute la souplesse et la vigueur de ses jeunes années. Son journal, en autant que les articles de fond sont concernés, est l'un des mieux rédigés du pays. Quel dommage qu'on prenne en grippe un homme de ce haut mérite et de cette capacité. Monsieur Jones peut en remontrer à tous les gros bonnets de sa circonscription électorale, et on lui préfère des gens qui ne lui vont pas à l'épaule en fait de capacité. Espérons que le temps n'est pas éloigné, alors qu'on reconnaîtra son mérite. En attendant, nous offrons nos félicitations à notre ancien collègue à l'occasion de cet anniversaire et lui souhaitons longue vie, succès et prospérité. À propos de la grande assemblée politique tenue l'autre jour à Jacques-Cartier, M. Jones fait un résumé piquant des discours de la journée. Voici la substance de ce que chaque orateur a dit, et il lui a fallu 2 heures pour débiter sa harangue. M. Chapelot. Ce pauvre Mercier est un voleur de grand chemin, un faiseur de tours de passe-passe, un menteur. Belle-Rose est un fin voleur qui vendait sa papeterie parlementaire. Trudel est un âne pompeux, et Beaubien, un imbécile. M. Mousseau. Mercier est un menteur et un faiseur de chantage, un escroc et un lâche. Monsieur Mercier. Chapelot est un jubier des grands chemins, un voleur public. Et Mousseau est un ingrat, un imposteur, une nullité comme homme d'État et un corps sans âme. Monsieur Tarl, ex-MPP. Des choses qui sont littéralement vraies. Notre spirituel confrère ajoute « Et l'assemblée se dispersa à l'air de « Vive la Canadienne », les gens s'en allant avec les mêmes connaissances que celles qu'ils avaient déjà, touchant les matières en dispute. Québec est sauvé. » Il faut avouer qu'il y a dans ce tableau plus de vérité que de poésie. À propos de cette assemblée, le seul compte-rendu qui nous a paru impartial est celui du Sorellois. Le rédacteur de ce journal, tout conservateur qu'il soit, a eu le courage de dire la vérité. Il a écrit que les deux partis étaient à peu près d'égale force et pouvaient réclamer la victoire avec autant de raison l'un que l'autre. Au reste, dit-il, cela ne tirait guère à conséquence, attendu que la masse des auditeurs était des étrangers venus de toutes les parties de la province. Savez-vous qu'il faut beaucoup de grandeur d'âme aujourd'hui, dans la politique, pour dire la vérité? Pendant que nos hommes publics, nos chefs politiques, se battent ainsi, comme des coqs furieux, pour l'Empire, le peuple secoue la tête et dit, dans sa sagesse, « Ça nous amuse, mais c'est toute la canaille pareille. » N'est-ce pas ce qu'on entend tous les jours? Le peuple est devenu incrédule en politique. Il a été tant blagué. Puis, que disent nos concitoyens anglais? La plupart d'entre eux sont tout simplement dégoûtés de ce spectacle. Quelques-uns, les acteurs, comme les propriétaires de certains journaux bourrés de faveurs ministérielles, par exemple, font mine d'approuver cela, mais au fond, ils nous méprisent. Quand donc ce jeu finira-t-il? Pourquoi donc le peuple ne se lève-t-il point dans sa puissance pour faire maison nette? Il faut que ça vienne, et ça viendra tôt ou tard. Monsieur Chapelot a parlé de nos divisions. Eh, mon Dieu, qui donne l'exemple? Lorsqu'il a été question de coalition, il est évident que ces messieurs avaient du miel sur les lèvres et de la rage dans le cœur. Le Pionnier, journal archi-bleu et archi-ministériaire, comme l'appellent avec raison les lecteurs, s'est scandalisé en apprenant que des négociations avaient eu lieu entre M. Chapleau et M. Mercier en vue de former un cabinet de coalition. Il s'est écrié, le désespoir à l'endroit où les autres ont l'âme, « Il est tout simplement navrant de constater une semblable disposition chez un homme comme M. Chapleau. » Ceci nous remet en mémoire ces bons Marseillais qui ne manquent jamais de s'écrier lorsqu'ils ont échappé à quelques grands malheurs. « Ah, mon Dieu, si c'était arrivé !» Et dire qu'il y a des gens assez simples pour croire qu'un ministère de coalition eût été le saint précurseur du règne de Satan. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.